Everybody, I left this with somebody. Julie. I'm loving it. Comme Alice tombée de l'autre côté du miroir. Alice tombe. Et pendant ce temps-là, les musiciens s'organisent. Elle tombe. La chute dure longtemps. Longtemps. Encore long. Alice chute. L'orchestre de se mettre en place. Je finis, tout va bien. La chute dure longtemps. Longtemps. Et tout va bien. Et tout va bien. La chute pourtant dure longtemps. Tant que je m'habitue à la sensation. D'abord au début j'ai cru que c'était foutu longtemps. D'abord le temps que je m'habitue. Déjà, je pense. Longtemps, longtemps, longtemps. Longtemps que je tourne comme longtemps. Lentement. Voir ce qu'il y a dedans. Pas content, pas content. Comme Alice. Lentement, longtemps, longtemps, longtemps. Tentez. Vous me direz quand on l'a fait atterrir. C'est vous les musiciens, c'est vous les. Plus longtemps, c'est vous. Elle tombe. Non, c'est pas qu'elle soit contente ni qu'elle consente. La chute. Il est pas. Elle retourne son temps. Ah. Sur ses pas. C'est pas très. C'est pas des. C'est pas très. Ma vie qu'en est à un moment donné, pas elle va demander à Alice tomber, va retomber, atterrir sur ses deux pattes. Alice a des ressources. Elle en a plein d'énergie. Alice va retomber sur ses deux pattes comme toi et moi. À un moment donné, déséquilibré, ouais, mais. Tomber, redresser. Ah. T'as compris, tomber dans un traquenard. Ouais. T'es dedans, t'es dedans. Ouais. Y'a plus plusieurs portes. Content que t'es pas leur choix. Compter le temps. Content que t'es. Qu'est-ce que tu veux faire militer? Compter, compter, compter, compter dedans. Qu'est-ce que tu veux faire pour changer les choses maintenant? Bouge de fait tout. Compter. Choose the door, choose the door. À quelle porte tu vas choisir? Content. À droite, gauche. Va falloir payer con. Payer push, payer push. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, va falloir payer maintenant t'es content, content. Sinon, payer les fantômes. Te rattraperont, temps. Tu vas payer, content, t'es content, push, payer, aïe. Maintenant t'es payé, pour push, être push, content, push, maintenant tu fais, qu'est-ce que tu fais maintenant, tu sais, comment on dit faire le différent. Comment on diffère les différents? Comment on n'a pas envie de jouer le conflit de sel? Comment, comment, comment, sel, comment on n'a pas envie de jouer le conflit de sel qu'on s'éteint qui s'en rend saoulé de sel? Comment on sait faire pas autrement? Comment on sait faire? Mais les comment, yeux. Comment, comment, comment, comment, comment, comment on pourrait faire autrement? Comment, comment, comment, comment. My baby! Thank you. coma. Just need to whistle. I need to whistle. Je vais faire une retraite, ça va aller mieux. I agree with you, capitalism is not the solution. Oh, I agree with you, religion is not the solution. Absurd, je voudrais pourtant tellement, tellement, tellement, tellement, tellement, tellement, love in Tel Aviv tonight. Tel Aviv and love tonight. Love in Tel Aviv. Love, love, love, love. Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love in Tel Aviv tonight. We want to say love. No more war, no more blood spilled on the sun. With the children of Gaza. Obscenity, no. We love, love, love. It's possible in Tel Aviv tonight when you know what is happening. Under the bridge downtown. A lot of love on the ground. Lift up and the clock is turning. Up on the ground, the flood of hell is around. Au milieu de la Méditerranée. Walk up on the ground, the flood of hell is around. Les effets. Know it's about a new day on my way. Globalisation. Global, global, global, global, global. Over trouble. Like the wolf alone, le loup tout seul. Comment comment je me suis pas révolté, comment mon peuple s'est pas révolté. Pourquoi? Pourquoi? On n'a pas. On a essayé de révolutionner tout ça. Qatar et les bourgeoisies s'est emparée de notre révolution. La bourgeoisie a étouffé. La bourgeoisie, le fric, le capital. Notre sale échec. Capitalisme. Problème. République, démocratie, dernier système avant. Come on, my baby. I must be crazy. The system, come on, come on. You think? What do you do? After sense? Any sense? Any sense for you? Wanna break it all? For me? Right now, for your family? What do you do? When you're welcome. What's your place in the system? Do you think about the consequence? What do you do? Why you do? What? Yeah. It's not a good system. It's not a good system. Yeah, I agree with you, my friend. Ah. We do what we can. Yes, we can. Ah. But yes, we can. A little about to share, about to listen, about to ninja musician. Thank you my brothers, thank you my sister, all around the world, such a pleasure. Thank you Darwin. Thank you, network! It's never, it's just a never leshi. Just a never leshi. Just a never. Déployons. No need education, no need master, no need God. Oh, oh, oh, oh, oh, it's the power of the people. It's the power, it's the power. Oh, so right. Just need love. An evolution. We just need to restore our rhythmatic existence. We love free music here, all ever and ever, all ever and ever. Jazz. In me tonight, in Madonna. Right place. When everything is right place. Sur autre chose. Merci. Magnificent. Probably. Take the power, take guess the power. Say, yeah. We are we all ready to drop it right now. Mami, get. There's no drone in the sky. There's no drone in the sky. Thank you. possible, yeah. The word in action, I know, with you my friends, I know it, it's with you. Papa, you are like my daddy. Come here. About to listen. About to share. What a pleasure. About to make noise, about to make sound. Ah, yeah, about the purpose. About to make noise, about to make sounds, about to share it. Yeah. Oh, it's a family for me. Yeah. Oh, oh, oh, and, yeah, yeah, yeah. Wow. Warm in my heart. Yann Le Rouge, Weidi dans la place. On est dans le Piémont pyrénéen. On vous attend. You're welcome. It's coming. In the south of France, you can come. Play with us. Yeah, and share. Love is the dome is coming, growing. Here in our world. Yeah. Here is the regarde. On n'est pas compliqué, mais on est des Français. Français dans la place. De Français dans la place, de Français de caractère, putain, bien trempé. Vous êtes comme ça, voici, mais on vous connaît pas. Ouais. Little spring has sprouted this morning. Come bright shine in the sunlight. Little spring has sprouted in the flower. Those little birds. Régional, raison de faire de la musique. C'est normal qu'on soit protectionniste. Tellement, tellement de musique nous assaille tout le temps. Même qu'on en veut pas. La musique. C'est moi, c'est toi, c'est nous qui la créons. Et aussi à The power of the people. Musique. Everything I've done yesterday. Better way to touch emotion. Covering the scenes of the sensation. Last winter, I'm training my body for the time. Proper summer in the spring of the spring of spring. Doing some push-ups and I'm worshiping the idea. Right at I'll maybe have some notes, some set. I'll maybe brighter. Yes, ira. You want some bright. Demain. You want some bright. Demain. You want some bright. Sera là le paradis. You want some bright. You want some bright. You want some bright. Transition. On l'a vu dans la poussière. Avec avec les chats des cimetières, glissant entre les ondes. Joey, ce soir, Joey. Il y avait une transition qui était en place. On aimerait que Nasty ou que Peach ou que Christina ou que Mama Bass. Mama Bass. I love you so mommy. Much. If you knew mommy, you. Don't you know I would make love to you? Improvisation totale. I never saw your face or total. Your body, but I'm quite sure I know it already. Allez, un chant africain. Si a failli, si a failli. Si a failli. Voilà, c'est. Si a failli. I love you, I need you, my friend. Voilà. Ok, I follow. Ok, I follow. Ok. Shut up. Zaudi, Stella. Populum. Stella, Splendes, Utsulis, Ladium. Stella, Splendes, Utsulis. Radium, radium, Stella, Stolis, Glendes, Stoli. Radium, radia. Exaudi, Stella, Utsoli, Stadium, Exaudium, Populum. Je rêve une étoile, des étoiles, des étoiles. Exaudi, Povola. Exaudi. Clendes, Solis, Radio, comme une étoile dans le ciel. Stella Solis, Radio, Zaudi, Radio. Stella, splendide, soleil, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Comme un pèlerin au Moyen-Âge, je cherche la vérité, je cherche la force pour lutter contre le vent mauvais. N'oublions pas, il n'y a pas si longtemps, qui souffle sur les plaines.